innovation, innovation. Bid'a. La bid'a, innovation, est l'opposé de la sunna, tradition. Ce terme fait référence à toute pratique inventée dans la religion d'Allah et qui va à l'encontre de la pratique établie par le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. En effet, il en est ainsi, car dans l'islam, tout acte d'adoration n'est accepté par Allah que s'il remplit deux conditions. Premièrement, la sincérité. Cet acte doit être accompli sincèrement et exclusivement pour Allah, lui seul, comme le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'a dit, les actes ne valent que par les intentions, et chaque homme sera récompensé en fonction de son intention. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La deuxième condition, la conformité. L'acte doit être accompli conformément à la pratique du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, comme le prophète l'a dit, quiconque introduit dans notre religion ce qui lui est étranger verra son acte rejeté. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il n'y a aucun doute que toute innovation est interdite, comme le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'a dit, attention aux choses nouvelles en religion. En effet, chaque chose nouvelle est une innovation, da. Chaque innovation est un égarement, et chaque égarement conduit en enfer. Rapporté par At-Tirmidhi, ce dernier a dit, hadith bon, authentique. Il y a plusieurs sortes d'innovations, bid'ah. Certaines sont des actes de mécréance, comme chercher assistance auprès de saints morts et leur sacrifier des animaux. Certaines sont des portes ouvertes au polythéisme, comme construire sur des tombes, y accomplir des prières et y formuler des invocations. Certaines sont des actes de désobéissance, comme s'abstenir de se marier ou jeûner continuellement. Il incombe aux musulmans d'éviter toutes les formes d'innovation, car elles contredisent la pratique du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sunna, et donc provoquent la colère d'Allah et son châtiment.